الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، إن الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه، والخسوف هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. الحديث رواه البخاري. فهما الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، لا يدلان على موت أو حياة أحد من الناس، يخوف الله بهما عباده. يستحب في ذلك ذكر الله والدعاء والاستغفار والتعوذ من عذاب القبر والصدقة والصلاة. وصلاة الكسوف أو الخسوف بصفة معينة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، فالسنة فيها أنها تصلى ركعتان، تكبر وتقرأ الفاتحة ثم قراءة طويلة، ثم تركع ركوعا طويلا، ثم تقوم فتقرأ من جديد الفاتحة ثم قراءة طويلة دون الأولى، ثم تركع ركوعا طويلا، ثم ترفع وتطيل القيام، ثم تسجد وتطيل السجود، ثم ترفع وتطيل الجلوس، ثم تسجد وتطيل السجود، ثم تقوم للركعة الثانية وتفعل كما فعلت في الأولى إلا أنها دونها، ثم تسلم. وتستحب خطبة بعد هذه الصلاة. إن من العجب عند بعض الناس حين يتخذون هذه المواسم الكسوف أو الخسوف للتصوير ويجتمعون لذلك على أنها ظاهرة طبيعية لا غير، وهذا خطأ وتهاون منهم. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الكسوف هي الخسوف. Ce sont les deux termes arabes donnés à l'éclipse. L'une, c'est l'éclipse solaire, et l'autre, c'est l'éclipse lunaire. L'éclipse solaire arrive en journée, en fin de journée, et lunaire durant la nuit. Al-Kusuf, qui est l'éclipse solaire, c'est lorsque le soleil, la lumière du soleil disparaît entièrement ou partiellement. Et Al-Kusuf, qui est l'éclipse lunaire, c'est lorsque la lumière de la lune disparaît complètement ou partiellement. D'après l'honorable compagnon Abu Bakr, radiallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Et lorsqu'il y a l'éclipse du soleil ou de la lune, ce n'est pas un signe de la naissance ou de la mort de quelqu'un d'important, d'une personne importante, Mais lorsque cela arrive, alors accomplissez la prière et invoquez pour qu'Allah vous enlève ce signe. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, ce sont deux signes parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ne sont pas l'annonce de la naissance ou de la mort d'une grande personne, une grande personnalité importante chez les gens. Allah fait peur à ses créatures par ses signes. Il est recommandé, lorsque apparaît ce signe, c'est pour cela que les savants précisent bien, ce n'est pas parce qu'on annonce une éclipse qu'on va faire la prière, ou qu'on entend l'information qu'il y a une éclipse qu'on fait la prière. On la fait lorsqu'on le vit, lorsqu'on voit cette éclipse. Lorsque cette éclipse a lieu et qu'on la voit, à ce moment-là, la prière, elle est demandée. Il est recommandé à ce moment-là de se rappeler d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de craindre Allah et de l'implorer et de l'invoquer, de demander le pardon, de demander la protection contre le châtiment de la tombe, de faire des aumônes, de donner aux nécessiteux et pauvres et d'accomplir la prière. Et la prière, qu'on appelle la prière de Kousouf ou de Kousouf, la prière de l'éclipse, elle se fait d'une manière bien précise qui a été clarifiée et montrée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes et paroles, alayhi salatu wassalam. Et la tradition prophétique dans cette prière est qu'elle comporte deux unités de prière, deux rak'a. On fait le takbir, de dire Allahu Akbar pour entrer en prière, on récite la fatiha, puis on récite une longue sourate ou de longs versets. Puis on s'incline et on reste longtemps dans cette inclinaison. Puis on se relève de l'inclinaison et on récite à nouveau la fatiha, puis une longue sourate ou de longs versets, moins longs que les premiers. Puis on s'incline à nouveau et on reste longtemps dans cette inclinaison. Puis on se relève de l'inclinaison et on reste en station debout longuement. Puis on se prosterne et on reste longtemps dans la prosternation. Puis on se relève de la prosternation et on reste en position assise longuement. Puis on se reprosterne à nouveau une deuxième fois et on reste en prosternation longuement. Puis on se relève pour la deuxième rak'a, pour la deuxième unité de prière. Et on fait la même chose qu'on a fait au début, en premier, dans la première rak'a, sauf que la récitation, elle sera moins longue que la première. Puis à la fin, on fait le tashahhud, on récite le tahiyyat, puis on fait le salam, les salutations finales. Il est recommandé de faire que l'imam prononce un discours à ce moment-là, après cette prière. Ce qui est étonnant, c'est de voir certaines personnes. Et ils agissent ainsi parce qu'ils imitent les autres, les personnes mécréantes, idolâtres, autres que les musulmans. Lorsqu'ils entendent l'annonce de l'éclipse lunaire au solaire, eux, ils se réunissent pour prendre des photos, des images. Ils sont impressionnés par, soi-disant, la belle image qu'ils voient face à eux, alors que ce n'est pas ce qui est demandé. C'est un des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala pour nous faire peur. Et on se doit de craindre Allah et de revenir à lui. Donc ça, c'est un agissement qui est mauvais, qui est contraire aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset, et nous n'envoyons de signes que pour faire peur, c'est-à-dire aux créatures. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا